J'amour, viens pas faire le tendre, à quel qui tu veux prétendre. Je réécris le couplet de ma vie tous les 11e jours de septembre. Ton équipe, je compte, sont pas difficiles. Nigga, 93 000, nigga, just a real nigga. Les collègues bossent mes textes, c'est pas de ma faute si je gêne. Major manager, je fais même peur à ce putain d'oxygène. Pour couvrir du gilet, on n'attend pas plus personne. Je serai le champion comme je l'entends, celui qui n'écoute. Laisse les faits me résoudre, avoir mal dans ma tête. Les aveugles passer outre et les crèves la dalle dans la fête. Laisse les crèves bien la foutre, qu'ils encaissent bien la foutre, crache la foutre. Je rappe avec une balle dans la tête. Laisse les faits me résoudre, avoir mal dans ma tête. Les aveugles passer outre et les crèves la dalle dans la fête. Laisse les crèves bien la foutre, qu'ils encaissent bien la foutre, crache la foutre. Je rappe avec une balle dans la tête. Tiens, sur le bal dans la chaîne alimentaire, tu vas freiner. Gêné, sont morts dans l'œuf, je les pèse en tract au générique. Ferme ta gueule, la voix écrase, le son glisse. Le rap social, l'histoire d'un daron qui avait peur de son fils. Si c'est pour nous rappeler de la merde, cousin, reste ta terre, ta famille, toi, ton équipe. On lui pèse sa mère. Jaloux, c'est sur mon blast qui se met frais. Mon miroir est un monde et je suis le seul homme qui m'effraie. Relève le col, comme Donald. Temps d'arrêt avant de centrer. Qui pourrait demander à une balle de toquer avant de rentrer? Demande aux vrais qui savent. Fusillade dans ta radio. J'préfère vivre un an comme un lion que sortant comme un agneau. À quoi reconnaître la paix si de mourir je ne risquais pas? Qui apprécierait l'abri si l'ouragan n'existait pas? Même les étoiles se moquaient. Ranger mes vœux dans un tiroir. J'apprends jamais de vos champions à part devant un miroir. Laisse les faits me résoudre, avoir mal dans ma quête. Les aveugles passer outre et les crèves la dalle dans la fête. Laisse les crèves bien la foutre, qu'ils encaissent bien la foutre, crache la foutre. Je rappe avec une balle dans la tête. Laisse les faits se résoudre, avoir mal dans ma quête. Les aveugles passer outre et les crèves la dalle dans la fête. Laisse les crèves bien la foutre, qu'ils encaissent bien la foutre, crache la foutre. Je rappe avec une balle dans la tête. J'irai les frapper en masse, affronter mes peurs de face. J'irai en enfer échauffer mon cœur de glace. J'irai tirer mes idées, passeront comme on passe tranquille. Lire au cadavre de la scène que la vie est un long fleuve tranquille. J'irai parler au feu un accent gastropane. Le rap français n'a jamais connu de fianso man. Faut rassembler les troupes, avoir l'audace qui prouve le tomber. La vie c'est pas que respirer, c'est d'avoir le souffle coupé.